Que mon envie de réussir t'a mis en stand-by, yeah. Ça me fait de la peine de savoir que t'en es à demander si tu me dis bye-bye, yeah. Tu me l'as déjà dit, profitons de nous, le reste un détail, yeah. À quoi ça sert d'être ensemble si on passe notre temps à constamment nous éparpiller, yeah. J'aurais dû jouer le 1-2, fallait la jouer 1-2, 1-2 c'est solide. J'ai voulu prendre pour nous deux, mais nous deux c'est solide, yeah. J'aurais dû jouer le 1-2, fallait la jouer 1-2, 1-2, c'est solide. J'ai voulu prendre pour nous deux, mais nous deux c'est solide. J'me prends la tête à faire des sous tous les jours, mais j'ai oublié que tu me donnais ton amour. En retour, j'étais occupé. Est-ce que l'argent m'a rendu fou? Ce qui était clair pour moi est devenu flou. J'me prends la tête à faire des sous tous les jours, mais j't'ai oublié. Que je réfléchis, au final qu'est-ce que j'ai bâti? Mon pire ennemi c'est moi-même. Plus j'accélère, plus je ralentis. Je suis égoïste et indécis. On parlait de s'enfuir loin d'ici. Le minimum pour fonder une famille. J'ai succombé à l'argent facile. C'est ce que j'ai fait pour toi qui nous détruit. Je me prends la tête à faire des sous tous les jours, mais j'ai oublié. Tu me donnais ton amour. En retour, j'étais occupé. Est-ce que l'argent m'a rendu fou? Pour moi est devenu flou. Je prends la tête à faire des sous tous les jours, mais je t'ai oublié. Ça sera toi d'abord, toi d'abord, toi d'abord. Je me prends la tête à faire des sous tous les jours, mais j'ai oublié que tu me donnais ton amour. En retour, j'étais occupé. Est-ce que l'argent m'a rendu fou? Ce qui était clair pour moi est devenu flou. Je prends la tête à faire des sous tous les jours, mais je t'ai oublié. Ah, c'était toi d'abord. Pour moi ta vie valait plus que l'eau.